Web Musique, mon nom est Simon Roy, on va passer la prochaine heure ensemble. Cette semaine, encore plein de bonne musique gratuite, musique assez planante cette semaine, à tendance IDM un peu. Donc, toutes sortes de bonnes musiques que vous pouvez télécharger en vous rendant sur le site de l'émission. Le site se trouve au www.webmusique.ca. Donc, vous allez faire un tour sur le site et vous téléchargez les pièces que vous entendez à l'émission. Cette semaine, on va débuter avec un artiste du nom de Photofop, qui publie sur Ton Atom. C'est tiré d'une compilation qui est pour une trame sonore d'un court-métrage. Donc, la pièce s'appelle Post Flecken. C'est un remix. C'est un remix de Fabian Ross. C'est lui qui a fait les pièces pour le court-métrage. Donc, il y a plusieurs artistes qui reprennent ces pièces. Un album vraiment, vraiment intéressant. Je vous invite à le télécharger. Ensuite de ça, tout de suite après, ça va être Skipless qui publie sur Dusted Wax Kingdom, un net label que vous entendez souvent à l'émission. Ils ont toujours du bon matériel. Ils sont assez fréquents dans leur sortie d'album. Donc, on va entendre la pièce Dark Matter. Ben c'est ça, on débute Web Musique avec Photofop. Thank you. De la Finlande, c'était Skipless avec sa pièce Dark Matter. C'est sorti sur Dusted Wax Kingdom, un net label qui vient de la ville de Varna en Bulgarie. Avant ça, on avait débuté l'émission avec l'Autrichien Photophobe avec sa pièce Post Flecken Remix. Donc ça, c'était publié sur Ton Atom. Un excellent net label. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans... Voyons, dans le monde du net audio, je vous invite à aller voir Ton Atom. Ils ont des artistes vraiment incroyables, plein d'albums vraiment à découvrir. Donc, allez faire un petit tour sur Ton Atom, vous ne serez vraiment pas déçus. Pour poursuivre, on va faire jouer un artiste qui vient de la ville de Berlin en Allemagne. Il s'agit de Cosmonaut. Je vais passer sa pièce Youth 273. Ensuite de ça, sur Edphonica. C'est Goins Ma Non Troppo, la pièce de tout. Donc, Goins Ma Non Troppo, qui viennent de l'Argentine, publié, comme je vous disais, sur Edphonica. Donc, pour tout de suite, on écoute Cosmonaut. We'll be right back. Je suis là, passé ma soirée qui attend de dormir. Pour me couvrir de la lassitude, des mélodies inquiètes. Maintenant, je suis sur le plan de préparer un omelette et d'écouter au piano. À ma manière de le rater, j'ai ta fille. Une pièce brève mais touchante de Goins Manon Tropo, un groupe argentin publié sur Headphonica. C'était leur pièce de tout. Avant ça, c'était Cosmonaut, un artiste de la ville de Berlin, qui, avec sa pièce Youth 273. Ça, c'était publié sur Ideology, un autre net label vraiment très actif. On poursuit avec un groupe de plutôt un artiste de la ville de Moscou en Russie. Il s'agit de Koalips. Fait passer sa pièce Robot Statique, lui est publié sur Sound Source Net Label. Ensuite de ça, sur Mimi Records, je vous fais passer .crk. Je vous donnerai pas le nom de sa pièce, c'est en langage binaire, donc c'est une série de 1 puis de 0 vraiment longue. Donc c'est ça, on va écouter ça tout de suite à Web Music après Koalips. CKRL passe en mode financement. Devenez membre de CKRL pour seulement 25$ et soutenez la création radiophonique la plus inédite. Être membre de CKRL, c'est encourager les artisans bénévoles qui créent 365 jours par année des émissions de grande qualité. Être membre, c'est aider la relève artistique en musique, arts visuels, théâtre, littérature et la danse. Profitez de votre carte de membre en adhérant maintenant au coût de 25$ et bénéficiez de rabais chez plusieurs marchands de la région de Québec. À noter que votre carte est maintenant valide pour un an à la date d'adhésion. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de 300$ du restaurant Le Poisson d'Avril. Téléphonez au 88 640 2575 ou adhérez en ligne à ckrl.qc.ca. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Subi succès oublié des années 70, 80, 90. Tout ça dans la boîte à cassettes de Jean-Philippe Deschênes. Les mardis, dès 20h. De retour à Web Musique. Il reste seulement une petite demi-heure à l'émission. Donc, tout juste avant la pause, on entendait .crk avec une pièce au nom imprononçable. C'était publié sur Mimi Records. Pièce quand même assez punchée, un peu de drum and bass, assez coulant. Donc, on va poursuivre l'émission avec Cryptic Universe. Ça nous vient de l'Allemagne. La pièce s'appelle Passo. Un peu de jazz électronique, vous allez voir, c'est vraiment spécial comme son. On n'entend pas beaucoup d'artistes qui donnent dans ce registre-là. Ensuite de ça, de la Russie, c'est Inspector. Je vous fais passer sa pièce Cold War in My Head, Part 1. Donc ça, c'est publié sur Subwise. Pour tout de suite, à Web Music, on écoute Cryptic Universe. We'll be right back. Toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un russe du nom de Inspector. C'était sa pièce Cold War in My Head Part 1. C'était publié sur l'excellent netlabel Subwise. Avant ça, ben, c'était de l'Allemagne Cryptic Universe, un peu d'électro-jazz avec la pièce Passo. On poursuit l'émission avec un artiste des Pays-Bas. Il s'agit de Eisenheimer. Je vous fais passer sa pièce de Herfs. pièce quand même assez planante à web musique. Il s'agissait de Eisenheimer avec sa pièce de Herbst. C'était publié sur Alkalinear Recordings, un net label que j'ai découvert aujourd'hui. Semble avoir beaucoup de matériel assez intéressant. Ben, ça va déjà être tout pour web musique. On va se laisser sur une dernière pièce. Avant ça, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion ou podcast, si vous voulez, qui est disponible. Donc, ça se retrouve sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est une bonne ressource de musique gratuite. On va se laisser sur une pièce d'un artiste de la ville de Bristol. Il s'agit de Kenobi. Il a fait un split avec Jimmy Penguin. Je vais passer cette pièce Flames. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Après ça, ben, ça va être le Dr Franco qui prend les ondes de CKRL. Donc, moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique. Bonne soirée. Comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin? Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nincassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos. Là, tu dis c'était gratis. Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec. Le Japon a été frappé par un séisme et un tsunami dévastateurs. Vision Mondiale est maintenant sur place pour distribuer des fournitures d'urgence aux survivants. Aidez les enfants du Japon. Donnez maintenant en visitant visionmondiale.ca. Chansons, jazz, musique du monde. À tous les dimanches, 13h, Raymond Michel et Denis Lelièvre vous invitent à Syracuse. Pose-toi pas de questions. Laisse entrer le vent. C'est une chanson importante pour moi que j'adore interpréter sur scène parce que je me souviens de cet endroit un peu mythique. On dirait qu'il s'est passé quelque chose cet après-midi-là, ensoleillé. Une douce plongée dans l'univers de Mélanie Boucher, à Sentier Secret, mardi 22 mars à 10h30. J'allais là vraiment pour me retrouver, puis j'ai eu du temps pour écrire, j'ai eu du temps toute seule. Pour son 30e Radioton, CKRL vous invite à la maison. Du 1er au 3 avril, c'est l'événement annuel organisé au profit de la première radio communautaire en Amérique du Nord. Ainsi, les artisans du 89.1 vous proposent 3 jours de festivités qui feront date. Une programmation spéciale, des invités de marque et une foule d'activités qui sont autant de raisons pour accepter l'invitation. Du 1er au 3 avril, c'est le 30e Radioton de CKRL, rendu possible grâce à ses partenaires majeurs. La Barberie, la microbrasserie experte en bière artisanale exclusive, et la boîte à pain Café Napoli, réputée pour la qualité de son pain de fabrication artisanale et ses pizzas cuites au four à bois. Chez toi ou chez moi? CKRL 89.1.